Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Ah! Allez, Max! Ah, Guillaume, t'es déjà arrivé! Ben oui! Oh mon dieu, on est-tu bien dans notre maison de campagne du 17 avenue des Pins? J'espère! Oh mon dieu, je suis raqué, mon homme, aujourd'hui! Ben voyons, comment ça? Ouf, encore une grosse semaine! Cette semaine, je me promène tout le temps, là. J'étais encore avec Rosalie. Ok! Puis encore Charlotte à Rosalie. Oh, Rosalie! C'est vraiment formidable, Rosalie. On t'aime! Ouais, c'est ça, on est allé se promener en basse ville de Québec. Parce okay. que Rosalie, elle vient de la côte de Beaupré, fait que la basse ville de Québec, elle connaît pas vraiment ça. Les seules fois où elle est allée en ville, c'était plus en haute ville. Ou bien c'était juste traverser la ville pour se rendre à Lévis ou pour se rendre à Sainte-Foy. Ce qui fait qu'elle s'est jamais vraiment arrêtée en basse ville. J'ai dit, ben tiens, on va y aller nous autres, on va aller au marché du Vieux-Port. Ok, ça... moi j'aime beaucoup ça, le marché du Vieux-Port. J'aime tellement ça, le marché du Vieux-Port. Ça sent bon, le monde est cool, puis ah! C'est trop hot. Je me promenais de nu-pied genre dans le marché du Vieux-Port. C'était trop le fun. Nice. Ouais. J'espère qu'ils déménageront pas. Là. Ben, j'espère que non. Il y a encore des grosses rumeurs là, que ça va fermer. Ah, moi, hey, je voudrais tellement pas que ça ferme. J'y vais pas tellement souvent, mais à chaque fois que j'y vais, je passe un très bon temps. Savais-tu que j'ai déjà eu l'air fou au milieu du marché du Vieux-Port? Comment ça? Je participais au bivouac urbain. Ah oui, c'est vrai! Puis, fait que là, je dormais à côté du marché du Vieux-Port parce qu'on a une compétition, il fallait créer un jeu vidéo en 48 heures. Oui. Puis là, un moment donné, on prend une pause, on va au marché du Vieux-Port s'acheter une bière d'épinette chez Marco. C'est pas okay. de l'alcool, c'est vraiment une liqueur, c'est vraiment bon. Ben oui. Je suis au milieu du marché du Vieux-Port, il y a genre des gens qui vendent des fleurs partout autour de moi. J'ouvre la liqueur de chez Marco. Ça explose partout. Partout à terre dans mes cheveux. Oh mon doux! Je peux pas aller me laver chez nous, je suis en compétition. Là. J'ai passé le reste de la fin de semaine à sentir la bière d'épinette. C'était épouvantable. Mais c'est donc ben drôle. Hey, j'ai trouvé un produit vraiment cool là-bas au marché du Vieux-Port. C'est quoi? C'était vraiment très bon. Ça s'appelait... c'était un feuilleté à la tomate. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ben souvent, ils vendent des pâtes feuilletées aux épinards ou au fromage feta. Je sais pas si t'as déjà vu ça ou déjà senti ça. Mais ça, c'est vraiment bon. C'est un produit... qui est enrobé d'une pâte feuilletée là, à la millefeuille si tu veux, mais c'est plus comme plus tendre un peu là, oui. si on veut, là. Millefeuille c'est quand même plutôt sec là. Fait que c'est ça, à l'intérieur il y avait toutes sortes de légumes, majoritairement de la tomate puis des tomates séchées. C'était tellement bon. Hey, là. Ça c'est mon genre de truc. Wow. Tu fais réchauffer dans le four, c'était 275 pendant une vingtaine de minutes. Tu laissais ça là, tu sortais. Moi j'ai servi ça avec des croustilles salées, puis ah mon dieu, on s'est régalé. C'était vraiment très très bon. Puis on a vraiment hésité parce que au marché du Vieux-Port, je sais pas si t'as déjà vu, dans le coin casse-croûte, il y a un micro-ondes avec un four puis un évier. Ouais, ouais. Non, j'avais jamais remarqué. On a vraiment failli mettre la pâte feuilletée au four là-bas. Finalement, on a décidé de retourner à la maison pour ça parce qu'on n'avait pas d'ustensiles puis qu'on était peut-être un petit peu gêné d'utiliser le four micro-ondes du casse-croûte. Il est fait pour ça, là. Ben, sûrement qu'il est fait pour ça, mais on était quand même un petit peu gêné. Fait que finalement, on l'a pas fait. Fait que mettons sur 10 haricots, là, c'est-tu meilleur ou moins bon que ce qu'on a mangé la semaine passée? C'était peut-être un petit peu moins bon. Moi, okay. personnellement, je suis un fervent amateur de la betterave, ce qui fait que la betterave... Okay. surpasse tant qu'à moi le goût de la tomate. Fait que t'es biaisé à base. Je suis biaisé à base. Mettons que la recette de la semaine passée aurait été faite avec des tomates. Peut-être j'aurais aimé mieux la pâte feuilletée à ce moment-là. C'était quand même très très bon. Rosalie elle a beaucoup aimé ça aussi parce que Rosalie elle aime beaucoup la tomate à la base. Ok. Puis écoute, on est arrivé à la maison et on était fatigué parce que ça faisait des journées un petit peu brûlantes qu'on faisait ensemble. Fait qu'elle est allée dormir, on a fait une petite sieste. Moi, j'ai dormi 15 minutes, elle a dormi plus autour de, mettons, 45 minutes. Puis moi, je me suis levé après 15 minutes, puis je suis allé faire le repas pendant qu'elle dormait. Fait qu'elle s'est levée, le repas était fait, la petite chandelle, toi, chose, non. l'entrée, l'accompagnement. Hein, c'était bien romantique. Vieux. Ouais, puis moi, j'ai pris une petite bière au jus de tomate. Elle me trouvait un petit peu bizarre, là, mais la bière au jus de tomate, moi, j'aime ça. Fait que t'es rendu comme maman. Un peu comme maman, oui, la bière, du jus de tomate, un peu de sel. De sel. Je trouvais que ça fitait avec le repas qui était déjà servi. Bah, c'est sûr, tomate, c'est un mix gagnant. Là. C'était notre journée au marché du Vieux-Port. J'avais acheté aussi des canneberges au chocolat parce que c'est tout le temps bon. J'ai acheté, de la moutarde à l'érable. Hey, j'en ai jamais acheté, mais ça fait plusieurs fois que je passe proche. Hey, ça me tentait tellement. Je l'ai... C'est-tu bon? J'ai pas encore goûté. Ok. Hein? Fait que je vais te donner des nouvelles. J'adore la moutarde au miel. Fait que je vois pas comment ça pourrait être mauvais. Exactement. Là. Juste, ça m'a accroché tout de suite. J'ai dit, ça me prend ça, c'est sûr. Il me semble que j'ai acheté autre chose aussi, mais je m'en souviens pas. Enfin, bref. Puis après ça, ben, on est allé. En fait, on avait mangé ça pour souper. Le repas dont je te parle. On a dîné au bureau de poste. Au bureau de poste, j'ai mangé. Un grilled cheese aux tomates, là, qui était vraiment très bon. Tomates et pommes. Hey, mon Dieu, t'en as mangé des tomates, là, cette et semaine, hein? Et Caroline Maison. Ah, c'est cool, moi, mais je vais essayer ça la prochaine fois que je vais au marché du Vieux-Port. Je vais justement y aller, là, j'ai vraiment un goût de me racheter de la bière d'épinette, puis pas la faire exploser. Ouais, ben nécessairement. Puis j'ai pu aussi de sirop de gingembre, c'est très bon aussi, ça aussi. Ok, j'ai jamais goûté à ça. Mais t'es chanceux de pouvoir y aller, toi, ces temps-ci, au marché du Vieux-Port. Moi, je suis vraiment dans le jus. C'est épouvantable, t'as pas idée. Comment ça? Mon Dieu, ça va faire 3 mois. Non, pas vrai, je voulais dire 3 semaines, j'ai dit 3 mois. Pourquoi? Ça va faire 3 semaines que j'ai pas d'impro le lundi, parce que, tu sais, moi, je joue au Patro Rocamadour pour la LIPRA, qui est la Ligue d'impro du Patro Rocamadour. C'est juste un acronyme, là. Il y a rien de fancy là-dedans. Tu viens juste de plugger, là. Est-ce que ça vous tente de l'impro, là, le lundi au Patro? Venez de voir ça. Mais, excuse-moi. C'est vraiment bien fun parce que cette session-ci, c'est comme notre gros coup de canon. Mm-hmm. Ça fait 2 ans qu'on travaille très fort pour faire grossir la ligue. On s'est fait des bandes, on s'est fait faire des chandails, on fait plus de tournois. Ouais, j'ai vu ça. Vous êtes allé jouer. D'abord, je suis venu avec vous autres jouer une fois. C'était à quel endroit? À Drummond. À Drummond. Pour l'impro show. Oui. Chanteur à Drummond, c'était vraiment super sympathique. Vraiment une belle gang. Et là, nous, on est en train de comme construire ça à l'impro. Puis là, cette session-ci, on va avoir un permis d'alcool. OK. Grâce à un petit montant que je ne peux toujours pas révéler, que j'ai gagné à l'émission Silence on joue qui va passer à Radio-Canada. On sait pas quand encore. Ça, c'est avec Patrice Lécuyer, ça? Exactement. Okay. C'est genre Cranium, mais avec des vedettes. OK. Puis tu peux gagner jusqu'à 1 000 $ par jour, puis il y a 5 émissions. Non, mais c'est quand même cool. Ouais, c'est vraiment cool. Top. Potentiellement gagner 5 000 $. Potentiellement. Entre 0 et 5 000. OK. Ah, ben, c'est pas pire. Ah, ben oui. On sait que c'est pas zéro, vu que t'as dit que t'avais gagné un montant. Ben, c'est assez logique. Là, je suis quand même une bonne personne, puis je suis quand même bon dans un jeu télévisé. Fait que, c'est sûr que j'allais gagner. Mais bref, fait qu'il y a ça qui arrive. Puis, là, c'est encore dans les étapes préliminaires, mais on va peut-être se faire ajouter dans une ligue provinciale pour représenter Québec. Aïe aïe! Fait que là, l'impro, ça serait la ligue d'impro, ça serait les tournois, puis ça serait en plus une autre ligue où est-ce que la LIPRA serait représentée contre des équipes d'un peu partout dans la province pour toute la session d'hiver. Fait qu'il y aurait beaucoup de déplacements quand même, là, c'est pour vous. En fait, il y aurait 3 matchs où est-ce qu'on recevrait les gens au Patro, puis 3 matchs où est-ce qu'on irait jouer ailleurs. OK. Donc, c'est à peu près un match par mois. C'est encore dans les étapes préliminaires. Je n'aurai pas plus de détails pour pas voler le punch à personne. Mais ça aussi, j'ai bien, bien hâte. Fait que là, tout ça mis ensemble, ben je pense qu'on va vraiment avoir une belle session d'impro puis que vraiment, on va enfin pouvoir s'imposer comme une ligue de renom à Québec. Ah, ben c'est vraiment cool. Puis avez-vous réussi à recruter des joueurs? Tu m'avais déjà parlé que vous essayez de trouver des nouveaux joueurs puis de grossir votre ligue à l'interne aussi. Ben là, on est en train de travailler là-dessus parce que là, c'est le retour à l'automne. Il y avait beaucoup de gens qui ont pris des pauses pendant l'été. Mais en ce moment, on essaye autour du 12 personnes. J'ai entendu dire qu'il y aurait un certain Guillaume qui serait intéressé à revenir. C'est vrai? Ah ben oui, hein, je sais pas. Hein. Tu vas-tu être là lundi prochain? Ça me dit absolument rien. Je me souviens pas de ça. Haha! Mais oui, mais on espérait beaucoup avoir 15 à 18 personnes pour avoir 3 équipes stables puis avoir notre propre rotation de ligue à l'intérieur. On n'est pas encore là, on va faire des posts sur Facebook puis tout. Puis si ça vous intéresse de mettre l'impro, ça vient tout juste de commencer cette semaine. Fait que vous pouvez encore vous inscrire, il n'y a vraiment pas de problème, on va s'arranger. Puis vous pouvez venir jouer avec nous autres, là, c'est bien bien le fun, on n'est pas stressant puis on n'est pas méchant, on mord pas. Ouais, une belle plug encore une fois. Hey, mais c'est merveilleux, waouh. Mais c'est beau de voir quand même comment ça a évolué, parce que je me souviens quand j'avais commencé à faire de l'improvisation avec toi, c'était tout petit, on était dans une salle de pastorale avec du tapis gris. On était 6 dans une salle de pastorale, il y avait comme l'arche pour les bœufs. Je sais pas c'était quoi, mais c'était toujours là, puis il y avait la Seine, c'est ça le fleuve? Ah, je sais plus exactement c'était lequel, là, mais... Il me semble qu'il y avait la Seine représentée en petit papier feutre bleu. C'était tout petit, on n'avait pas de public, pas rien. Ah oui, curieux, c'est le mot. Et là, de toute façon, on fait des matchs devant le public, puis le monde vient, puis trouve ça drôle. Ouais, fait quand fou, même, ça a donné là. Un certain coup. Ouais, mais c'est ça en 2 ans, c'est vraiment malade. Les deux frères inventent beaucoup de trucs chaque semaine à l'impro. Mais cette fois-ci, Guillaume essaie de convaincre Maxime qu'il a découvert la prochaine grande révolution d'urbanisme. Ah, oh, mais oui, ça va marcher, tu comprends rien. Okay. C'est complètement débile, ton histoire. C'est pas débile, je recommence, OK? Là, présentement, là, on le sait bien, le Québec, on a un taux de chômage qui est très, très bas, mais il y a encore un pourcentage de la population qui est sans emploi. Puis ça, c'est du monde qui, probablement, pourrait travailler. Alors que il y a plusieurs qui prennent comme enjeu principal le troisième lien vers la rive sud, moi je pense vraiment que l'enjeu principal présentement, c'est nos trottoirs. C'est complètement débile, ça fait 10 fois je te le dis. C'est pas débile, OK? Il y a une rue sur 2 qui a pas de trottoir, puis l'autre rue qui en a juste d'un côté. Mais justement, c'est le temps d'émanciper ça. Là, le principe, là, c'est que nos trottoirs, au lieu de garder du béton, OK? Nos trottoirs en béton, c'est désuet, puis c'est juste réparé aux 4 ans par du monde qui sont payés pour rien faire. Moi, le monde qui sont payés pour rien faire, ça me met en colère. Puis qu'est-ce qui te fait dire que même si la nouvelle démarcherait, qu'eux autres seraient pas payés à rien faire? Parce qu'il y aurait pas le choix, sinon que ça, notre système de trottoir marcherait pas. Nos trottoirs, là, maintenant, ils vont être en gazon. On pose de la tourbe, mais pas n'importe quelle tourbe. La tourbe un peu comme du golf. Tu sais, les terrains de golf, comment c'est fait, le verre puis la frise? Oui. Bon, c'est ça. On veut du trottoir de même pour nos pour nos routes. Mais t'as-tu déjà vu une traîne de gazon dans les forêts? Oui. Il est où, le gazon? Il est pas sur le chemin qu'on marche. Ben, c'est ça. Ben, si tu fais des trottoirs en gazon, tout le monde va marcher dessus, ça va briser le gazon, puis ça va juste être un platé de terre. C'est là qu'on règle le problème des gens sans emploi. Le truc, c'est que le trottoir en gazon, ça va s'y maganer. Fait qu'on n'aura pas le choix d'avoir d'entretien. Si on n'a pas d'entretien, notre gazon, il reste pas beau. Fait qu'à la fois, t'as un paysage qui est renouvelé avec un paysage qui respire, un paysage qui va pouvoir produire tous les bienfaits des plantes vertes, et tu as des gens qui ont des emplois. Ouais, mais le monde qui a ces emplois-là, à base, là, ils vivent dans des appartements où est-ce qu'ils n'ont pas à faire le gazon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils seraient qualifiés pour traiter le gazon des villes? Il y en a, mon ami, qui vont travailler dans des endroits pour faire de l'entretien ménager. Tu vas visiter leur appartement, puis leur appartement est crotté à mort. Fait que moi, ton argument, il est très peu solide, parce que moi, personnellement, je vais à mon travail, puis on me demande de faire du ménage, je vais le faire, le ménage. Mais chez nous, des fois, ça me tentera pas de le faire. Fait que, tu sais, il y a un parallèle quand même important à faire, selon lequel... Quand t'as une pression d'un employeur pour faire le ménage, t'as plus de chances de le faire, puis t'es plus enclin à le faire parce que t'as une pression supérieure. Fait que c'est pour ça que je pense qu'en créant l'emploi, puis en transformant notre système de trottoir, à la fois, il va y avoir des avantages, là. Comme je te disais, t'as les plantes vertes qui permettent tous les bienfaits de la plante verte. Tu sais que l'asphalte, ça fait pas de photosynthèse fort. Fait qu'en ayant des plantes vertes, on peut faire de la photosynthèse, puis ça, c'est malade, la photosynthèse. Mais tu sais que le gazon, c'est genre la plante qui demande le plus d'énergie pour ce que ça retourne à la terre. C'est genre une des herbes qui demande le plus de jus à la terre pour l'entretien puis que le retour que ça a. Ouais, mais c'est beau au moins. On serait pas mieux de faire des trottoirs en trèfle. Trottoir en trèfle, hein, mais tu parles d'une bonne idée. Peut-être. Ok, le trèfle peut être considéré comme une option pour autant que c'est des plantes. Là, le truc, là, c'est que tes plantes, ils ont besoin d'entretien, c'est plus beau, puis les gens peuvent se promener nu-pieds s'ils veulent. Parce que là, présentement, là, nos problèmes avec nos routes, c'est que quand il fait chaud puis qu'il y a du soleil, le monde comme moi qui aime ça se promener nu-pieds, ils se brûlent les pieds sur l'asphalte puis sur les trottoirs. Là, avec du gazon, tu te brûles pas les pieds. Pis c'est confortable pis c'est agréable pour tes pieds. Puis en tant que tel, comme que tu payes du monde pour ton entretien, t'as même pas à avoir peur qu'il y ait des seringues qui traînent dans ton gazon, qu'il y a du monde qui sont payés pour faire l'entretien de ton gazon. Ok, mettons que j'accepte tous ces points-là. Ouais. Quand il mouille. Ah, ben quand il mouille... Ça va être dégueulasse. Tu marches dans la rue. Ben, ça va être dangereux. Quoi? Parce qu'il y a des voitures, Guillaume. Ok, admettons qu'on fait demi-gazon, demi-asphalte. Ben, tu règles juste le problème à moitié, puis là, il faut deux fois plus de travailleurs. Non, pas nécessairement. Parce que ton asphalte, t'as juste besoin de la réparer aux 4 ans. Puis c'est les mêmes qui travaillent pas. Ouais, du monde qui travaille. Mais c'est quand même les mêmes personnes qui font nos routes au Québec. Fait que pendant que c'est la période de l'asphalte, ben ils font l'asphalte. Là, notre gazon est moins beau. Mais après ça, ben ils font notre gazon. Puis notre gazon, il est beau. Mais pourquoi tu veux du gazon? Ben parce qu'on a un demi-gazon. Je comprends rien. Maxime, c'est super simple. Je recommence, ok? Là, présentement, là, on le sait bien. Après s'être fait expliquer une fois de plus le concept de trottoir en gazon, Maxime propose de se relaxer avec un épisode de Caillou. Il choisit dans sa pile de VHS de collection des épisodes dont ils connaissent tous les secrets. Ça, c'est un de nos épisodes qu'on a fait préféré. Hein. Oh, oui, ben, il y a eu... tout un background derrière cet épisode-là, en fait. Quand j'étais plus jeune, j'avais des bons souvenirs, moi, de mes jeux que je faisais avec mes animaux de compagnie qui étaient en fait des peluches. Ah, oh, ok, ok. Et je me souviens que ces peluches-là, moi, je m'amusais à faire un peu comme les Barbie. Je leur donnais des vêtements, puis... alors que vous allez voir dans l'épisode, je veux pas tout spoiler là, à l'avance, là, mais... Ouais, je vais faire un commentaire, là, je comprends pas. Comment est-ce que Caillou réussit à arracher son lacet à ce moment-là dans le générique, là? Et je veux dire, c'est surhumain comme force pour un enfant, là. Même moi, je suis pas capable de faire ça. Bon, on s'entend pour dire que les lacets à cette heure, en plus, sont très, très solides. Je sais pas si t'as peut-être des mauvais lacets qu'il y avait, là. Ça se peut. Je pense que ses souliers étaient pas accordeurs, en fait. On avait fait... C'est toi, là, qui voulait absolument qu'on ait une madame, là, dans... Moi, je comprends pas. C'est qui, elle? Ben, moi, dans le fond, ce que ça me rappelle, ces souvenirs-là, c'est quand que j'étais plus jeune, j'allais me coucher, je me faisais border, puis ma maman me lisait une histoire avant d'aller me coucher. C'est le même concept qu'on voulait répéter avec Caillou, puis en racontant des histoires sympathiques. Là. Mais pourquoi est-ce que Caillou pouvait pas juste être une histoire en tant que telle? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit l'histoire de quelqu'un qui raconte une histoire? Ben, parce que c'est beaucoup plus... Ben, c'est un rappel un peu à nos origines. Mais là on voit... Ok, tu vois le chandail qu'elle porte, Mousseline? Oui. Moi, j'avais le même chandail quand j'étais plus petit. Avec les trois oursons avec de... Avec les trois oursons de couleur. T'avais-tu un ourson préféré dans ces trois oursons-là? Ben, j'aimais plus la couleur bleue étant jeune. J'aimais le bleu et le vert. Ce qui fait que le gilet est vert. Celui à droite, complètement, c'est bleu parce que on lit de gauche à droite. Fait que la droite, c'est la fin, c'est le meilleur. Ah, on garde le meilleur pour la fin, hein? Exactement. Là, on peut constater le comportement de Caillou. Caillou est vraiment pas content parce que Mousseline apporte son chandail préféré. Ça, on a hésité beaucoup à mettre cette scène-là. Ben, c'est quand même une petite fille pas de chandail, là. Ouais, exactement. Vous avez pas dessiné les mamelons. Ben, c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre, finalement. Sinon que ça aurait été refusé. Voilà, Caillou est pas capable de passer sa tête dans le trou, mais on sentait qu'il doit pas être capable de passer sa tête ailleurs non plus. Là. Il a une grosse tête, Caillou. Ah, il est fini par le passer, là, mais... C'est un chandail bédaine. Ouais, mais c'est parce qu'on luttait fort, fort contre la banalisation de la sexualité à cet âge-là. Ce qui fait qu'on a voulu démontrer ce qui était ridicule derrière les comportements de Caillou, puis comment ça avait aucun bon sens. Il était resté allongé sur le tapis et son ventre le démangeait. Eh hey, bon Dieu, il doit avoir des puces, quelque chose, là. C'était rouge sang. Parce que Caillou, il se coupe pas les ongles. Jamais. Ah, ok, fait qu'il se gratte très fort. C'est peut-être comme ça qu'il a réussi à arracher le lacet. Oh! C'est à cause de ses ongles. J'ai pas travaillé sur l'épisode du lacet. Moi, j'ai commencé à travailler un peu plus tard ces épisodes de Caillou. Fait que là, mais voyons donc, il a réussi à se taper des culottes avec son chandail. C'est des taillots. Mais c'est ça que t'avais fait, toi, avec ton chandail? Moi, non. Ben, en fait, moi, je l'ai juste... Ben, tu vas voir, l'épisode termine exactement comment est-ce que moi, j'ai terminé. Mais j'avais pas réussi à remettre le chandail. Moi-même, ma tête était beaucoup plus grosse que celle de Caillou. Là. Caillou a déjà une grosse tête, là, mais la mienne, là, c'était vraiment démesuré. Là, ça avait aucun bon sens. Je ressemblais à peu près à ça quand j'étais petit. Ah, j'avais juste un peu plus de cheveux. Ah oui? Ouais. Mais c'est ça, moi j'ai jamais eu ce problème capillaire-là. Là. Je sais que j'aimais ça me faire raser les cheveux, mais je gardais toujours un duvet. Là. C'était essentiel. Les gars, ça c'est le moment important de l'épisode. Il comprend qu'il va falloir qu'il se départisse de son chandail. Ça c'est la partie qui vient me chercher. Parce que le reste, j'ai dit que c'était un épisode que j'aimais beaucoup, là, mais si ça, ça avait pas été là, là, vraiment, non. Voilà. L'épisode se termine exactement comme c'est arrivé pour ma part. J'ai terminé de porter ce chandail-là fièrement, puis je l'ai donné à l'une de mes peluches, ma peluche préférée. Ah, mais moi, là, dans ce cas-là, Mousseline, elle ne pourra plus porter de chandail. Ben, elle va porter le chandail rouge. Je sais pas si tu as vu à la fin de l'épisode. Ouais, elle avait un chandail rouge. Okay. Mais le vert, elle le porte plus. Mais c'est parce qu'une journée sur deux, elle portait le rouge, l'autre journée, elle portait le vert. Fait que là, ben, une journée sur deux, où est-ce qu'elle porte pas de chandail? Mais bon, d'habitude, elle reste à la maison. Là. Elle est encore petite. Là. À 2 ans. Ouais, on s'entend. Oh. Mais tu vas voir. Le prochain épisode qui va jouer, Maxime, c'est un autre épisode sur lequel on a beaucoup travaillé. On va la partir. Là, je vais aller chercher le tape puis je reviens tout de suite. Oui, c'est bon. Je prépare le VHS. Yes. Voilà. Ok, fait que en tout cas ton VHS marche pas pire. Hein? Ouais, la qualité sonore est vraiment demeurée, puis écoute, moi, c'est intemporel comme histoire. Hein? Ben on s'entend pour dire que les cassettes VHS, moi personnellement, j'ai jamais vu une cassette VHS brisée sauf quand le tape sortait. Là. Ben non, quand même, ça se détériore quand même pas pire, un tape magnétique là. Ok, ah je savais même pas. C'est quand même. Je dirais pas que c'est plus fragile qu'un CD, parce que CD, tu peux le graffinier. Ouais. Mais, mettons que tu laisserais les deux sur un comptoir, la cassette va se détériorer avant le CD. OK. Ah! Mais à le manipuler, c'est plus solide une cassette. OK, quand même. Fait que ça, c'est un autre épisode que je trouvais très important pour les enfants, c'est... Il y a beaucoup d'enfants qui aiment pas ça aller au médecin. Hein? Ben, en termes d'apprentissage, c'est probablement l'un des épisodes les plus significatifs de Caillou. Si on regarde toute la psychanalyse derrière cet épisode-là, on se rend compte que Caillou, il aime pas ça aller chez le médecin, puis instinctivement, c'est pas normal, c'est pas rationnel qu'il ait peur du médecin. Tu vas pas encore dire que Caillou a le cancer. Caillou a pas le cancer, non, ça c'est passé, c'est une farce. Ce que je suis en train de te dire, c'est que probablement sa mère ou son père avait peur du médecin. Tu penses que c'est héréditaire? Ben non, je pense que Caillou a appris son comportement d'avoir peur du médecin. C'est pour ça qu'il doit obtenir l'exemple positif de quelqu'un qui a pas peur du médecin. Comme le dinosaure. Comme le dinosaure. Moi, c'est l'élément que j'ai rajouté à l'épisode, là, parce que j'ai écouté l'épisode. J'ai écouté la première version de l'épisode. Mais la version qu'on avait faite avec les jumeaux. Ouais, c'est ça, ben là, il y en a un qui est mort, là, c'était bien compliqué, là, mais... Ouais, ben c'était une histoire de fou, là, c'est un peu douteux. Pour vrai, là, c'est pas venu me chercher, je me suis dit, ça manque de dinosaures. Tout le monde m'a regardé avec des gros yeux, je leur ai écrit le script avec un dinosaure, là, il a fallu que je le mette un toutou, là, parce que t'es comme, mais voyons, il y a pas de dinosaure dans Caillou. Non. Mais là, du moment que je l'ai mis en toutou, là, tout le monde est comme, ben ça marche bien mieux. Mais oui, absolument. Ça fait que le dinosaure, lui... Son rôle clé au dinosaure, c'est que c'est une personne significative pour Caillou. Oui, ben... À base, là, moi, dans mon script, là, le dinosaure, Caillou, il avait été dans l'espace, puis le dinosaure, il était venu du passé pour sauver Caillou de l'espace, puis là, il y avait un lien qui s'était créé entre les deux, mais bon. Il a fallu que je limite ça, c'est son toutou préféré. Hein. Ouais, mais, tu sais, on a un petit... On a... Comment je dirais bien ça? On a modifié le script pour faire en sorte que... l'épisode soit canon parce qu'on s'entend pour dire que Caillou est jamais allé dans l'espace puis ça aurait pas fité avec notre autre épisode de Caillou l'astronaute. Non, je comprends là, mais moi là, je trouvais que j'avais tissé un bon lien. J'aime beaucoup le lien que j'ai fait ici aussi là, mais j'aurais préféré l'autre. Ouais. Ben on sait très bien que de toute façon, le dinosaure de Caillou, il avait déjà un bon lien avec parce que Caillou, c'était dans son coffre à jouets. Oui. C'était l'un de ses jouets favoris. On s'en souvient. Oui. Même si t'allais sur le site internet, on avait fait un site internet pour Caillou, puis le site internet était monté en fonction que tu puisses faire des jeux en lien avec les peluches de Caillou. Sur free.fr. Exactement. T'avais Rex, t'avais l'ourson, puis t'avais Gilbert aussi, mais Gilbert en peluche. Parce que Gilbert, c'est un chat, mais... on n'abuse pas les animaux. Là. Non, exactement. Mais bref, ça a été une belle visite chez le médecin. Là, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je trouvais ça quand même curieux que le médecin était plus vieux que la mère à cailloux. Là. C'est vraiment une vieille médecin. Je sais pas si t'as marqué, il avait des poches en dessous des yeux. Oui, j'ai toujours trouvé ça curieux. Ben, mais ça, c'est Marc qui avait décidé ça. Ben oui, mais Marc, on s'entend pour dire que Marc, ses goûts vestimentaires étaient laissés un peu à désirer, fait que ça se reflétait un petit peu dans ce qu'il décidait d'inclure dans les épisodes. Mon Dieu, la grand-maman, es-tu en train de se masser les seins en dormant? Je pense qu'elle dort, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'était mon moment préféré dans l'épisode, parce que Caillou, après ça, il fait des bêtises. Mais enfin bref, cet épisode-là, c'est vraiment pour montrer toute la psychanalyse derrière le comportement de Caillou, puis comment est-ce qu'on peut appliquer la théorie behaviorale pour apprendre un nouveau comportement. Fait que si des nouvelles personnes voulaient aller en études de psychologie, est-ce que tu le recommanderais cet épisode-là? Moi, je le recommande cet épisode-là. Là. C'est clair que si tu veux dominer l'Allemagne, là, ça, c'est un épisode pour toi. Là. L'Allemagne. Qui dit Allemagne dit drôle de nom. Maxime sort son téléphone de sa poche et propose à Guillaume de découvrir leur surnom grâce aux multiples générateurs disponibles sur Google Images. Bon, ben pour les biens de la chose, je vais m'appeler Max Power. Ouais, ben ça va éviter qu'on ait toujours les mêmes lettres pour le nom de famille. Ouais, fait que... Pour commencer, on pourrait essayer de trouver notre nom de cocktail. Le nom de cocktail. Fait que toutes les initiales, c'est GL. C'est ouais. Ça. Ah oui, c'est non, mais première. Là, la première initiale, G. G. Hobbit. Le Hobbit est ton mois de naissance. Janvier. Le Hobbitsnot. Le Hobbitsnot. Tu penses que c'est fait à partir de quoi, ça, un Hobbitsnot? On va pas s'étaler là-dessus, c'est un peu dégueu. Continue. Ok, moi, ça serait... Le multicouleur, et je suis né en novembre, Ashtray. Oh, c'est un peu dégueulasse. Ouais, c'est le cendrier multicouleur. Ouais. C'est... Ouais. Ça fait comme plein de monde qui ont fumé des clopes colorées qui laissent pourrir dans le fond un cendrier. C'est comme dégueu. Moi, je boirais pas ça. C'est pas très fameux, hein. Non. On va passer à autre chose. Veux-tu savoir c'est quoi ton nom de Star Wars? Ah oui, je veux tellement. Ok, prends les trois premières lettres de ton nom de famille. L-E-M. Là, rachète les deux premières lettres de ton prénom. Lemgu. Fait que ton prénom serait Lemgu. Et ton nom de famille, ça serait les deux premières lettres du nom de famille de ta mère. Faux. Et les trois premières lettres de la ville dans laquelle t'es né. On va dire Beauport. Lemgu Fobo! C'est quand même, c'est ça. Ouais, quand même, ça fit, je trouve. Bon, ben, moi, dans ce cas-là, ça serait Pau et Ma. Palma. Palma et des. F.O. Je suis né à Québec, fait que Palma fuck. Palma fuck. Palma fuck. Le nom de famille sonne vraiment comme un. Le prénom sonne vraiment comme un prénom de Star Wars. Ouais, vraiment. Ça fait pas de nez. Hey, tantôt, toi, t'étais. Ton cocktail, c'était le Hobbit. Mais là, on pourrait savoir ton nom de Hobbit. Oh, ok. Donc. Ton prénom, c'est. Guillaume. Ah non, mais c'est l'initial de ton nom de famille. Ah, ok, le mieux. Ok. Smalley. Smalley est ton mot de naissance. Smalley Third Bottom. Third Bottom? C'est le petit caca d'en bas. Le petit dos de la crotte. Fait que moi, ça serait Power. Power. P. Bumo. Et je suis en avant. Bumo Cravache. Bumo Cravache. C'est tranquille, tranquille. Hein? Your doggy nicknames. Ok. Fait que la première lettre du nom de ton chien. Moi, c'est Rocky. Fait que Grimfast. Grimfast. La première lettre du nom de famille de ton chien. Le mieux. C'est Y. The last letter of your dog. Ah, last letter. Crotch Sniffer. Grimface Crotch Sniffer. Oh, pauvre Rocky. Pauvre petit. Hey, on peut savoir notre nom de poney. Yeah. Oh, ok, c'est quoi ton... First name, first initial. Ok, G. Rivière. River. River. Ton initial de notre famille. L. Dash. River Dash. et le mois dans lequel... River Dash Painting. Painting, ça, c'est dans le quoi que ton poney est bon. Ah, ok. Fait que tu t'appelles River Dash, puis t'es un très bon peintre. Ah, c'est cool, ça. Hey, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va nous faire un fanart de My Little Pony avec ça. Tellement. On compte sur vous autres. Ok, River Dash, qui est bon en peinture avec la face à qui. Et moi, dans ce cas-là, ce serait Max Power, donc ce serait Tree. Tree. Le l'arbre. Oh, Tree Shine. Tree Shine, et je suis bon en sport. En sport, Tree Shine Sport. Hey, mon dieu, je suis le poney cool de l'école. Ouais, vraiment, tu me pognes avec toutes les filles. Hey, mon nom de chat, je veux tellement être un chat. Oh, Guillaume, si t'étais... Hey, là, on était un poney, on va être des chats. Moi, c'est le 4. Le 4, ton dernier numéro de. Dernier chiffre de ton numéro de téléphone général. Général. Ton signe du zodiaque. Le Capricorne. Ici. General Hissy. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Von Scooper. Oh, General Hissy Von Scooper. Oui, est-ce que t'es allemand? Ça. Oui, exactement. J'aime ça faire exploser les affaires. Ouais, c'est 3. Le dernier chiffre de mon numéro de téléphone, c'est juge. Et mon signe. Sagittaire, Pouncy. Pouncy? Juge Pouncy. Et couleur préférée, c'est mauve. McMitten. McMitten. Wow, c'est très bien. McMitten. Oh, c'est bien. J'aurais pas froid cet hiver. Oh, mon nom de rappeur, tellement. Bra. Maxime, j'ai commencé à écouter ça, le rap. J'aime ça, le... Pour vrai? Ouais. T'as commencé par où? Ben, dans le fond, c'était comme un petit peu par-ci, par-là. Là. Il y avait des tunes de rap qui jouaient, puis j'étais comme, ah, c'est bon, je vais écouter cette tune-là. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui le savent déjà. Moi, je suis chrétien, fait que j'écoute beaucoup de musique chrétienne, fait que c'est du rap chrétien, fait que c'est quand même cool, là, okay. Pour moi. Mais j'ai acheté un album récemment, ça s'appelle NF. Encore une fois, c'est du rap chrétien, mais comme juste une ou deux tunes à propos de Jésus, là. Fait que le reste, c'est plus des tunes personnelles. C'est vraiment bon. Le CD s'appelle Therapy Session. Puis je vous le recommande tous. C'est vraiment super bon. Ah, il y a full cool. D'émotion dans ces tunes. Moi, j'aime ça. Hey, tu partageras une tune sur la page Facebook. Ouais, je vous le recommande tout à fait. Et toi, si t'étais un rappeur, moi, comment t'appellerais? Le G, c'est Chrome. Chrome, hey, c'est déjà cool. Le mieux, c'est Chrome C. Chrome C. Chrome C. Tru, tru, tru. Bleu, bleu, bleu. Get Rexon. Tu rapperais à propos de quoi si t'appelais Chrome C? Chrome C, à propos de mes Mac de char, c'est sûr. C'est sûr, oui. Moi, Max Power, je serais Juice. Juice? Et... Juice Elvis. Juice Elvis. Et ce serait une bonne fusion. Blues rap. Ce serait du trash fusion, je pense. Ah oui, je pense que oui. Je pense que ce serait bon. Juice Elvis, je parlerais genre... Je pense que mon premier album, ce serait comme un album où c'est que je suis sur une île déserte avec toutes les vedettes mortes qui sont pas mortes, pis qu'on sait pas... Ouais, pis là, t'aurais genre le Jailhouse Rock en électro-pop, toi qui rappe en... Oui, je rapperais avec Jay-Z, pis avec Elvis, avec pis avec Drake. Le disco! Ah, pis disco, c'est tout! Nice! C'est vraiment cool! Heavy Metal! Ah oh, oui, ok! Générateur de nom de Heavy Metal. Fait que la première lettre de ton prénom, Guillaume, c'est Bloodé. Bloodé? Et j'espère que c'est César. Oh! Tellement! C'est Bloodé Vengeance! Bloodé Vengeance! C'est vraiment hot! Mais ça serait un album sur l'apocalypse? Bloodé Vengeance, ce serait probablement un album sur les règles de ma blonde. Moi, ce serait Max Power. Dark? Dark? Ça va bien. Et P. Dark Gods. Je pense que ce serait sur Dragon Ball. Définitivement. Ce serait un album vraiment super. J'aurais un album d'heavy metal sur Dragon Ball. Quand on a encore le temps de. Au moins trois, deux là. Autres. Oh non, de lapin de Pâques! Oui! Oh, oui! Oui, oui, oui, oui! Oh yo! J'ai c'est Flower. Flower, première lettre de la famille, le mieux. Ah! Blow Pop. Flower, Blow Pop. Fleur, Sus Pop. Ce serait comme un pissenlit dans le bar. Ah, oh, Flower, Blow Pop, tellement. C'est toi, ton, cool, ton premier nom, c'est Maxime Sparkle. Sparkle Peep. Sparkle Peep? Oh, c'est tout cute. C'est vraiment hot. Je serais comme un lapin qui brille. Ah oui. Werewolf. Ah, ton nom de werewolf. J'espère que tu seras pas Moon Moon. J'espère que non, hein. Ah, ok, first name. Et c'est le. Faut soumis, je vois pas assez. Moi, je vois. Okay. C'est Dark. Dark. Hey, là, c'est à toi d'être Dark. L. Dark. E. Shit. K. L. Dark Digger. Fang. Non, ensemble. Ah, oh, elle, Fang, Dark Fang. Dark Fang, ouais, hey, c'est vraiment hot. Ça fait genre jeu vidéo des années fin 90, début 2000. Je suis pas mal sûr qu'il y a un jeu qui s'appelle Dark Fang. Probablement, ou bien un livre, genre de... Sûrement. Toi, t'es... Moi, je serais Alpha. Ouais, ça part définitivement. Bien. Et Power, je serais... Alpha Paw. Oui, Papa. What is your monster truck name? Oh, mon nom, monster truck, c'est vraiment la meilleure chose. Janvier, c'est awesome. Puis le t-shirt, de quelle couleur? Il est bleu, mais il est aussi gris. Fait que je vais dire, je vais faire le bleu puis le gris. Awesome Lightning Wrecker! C'est trop hot! Et moi, je suis habillé en brun. Je suis né en novembre, fait que je serais Gigantic. Gigantic Crusher! Hey, pardon, Gigantic Crusher, j'ai écouté un match des robots, là, des bots. Ah oui! Puis c'est, comment ça s'appelle déjà? Je me sais même plus comment ça s'appelle. C'est vraiment cool. Je me souviens plus. Là, il y en avait un qui arrêtait pas genre, d'avoir un marteau, puis il essayait vraiment d'écraser l'autre, mais l'autre, il y avait aucune faille, puis l'autre, il était genre trois fois sa grosseur, il a explosé de partout. C'est vrai? C'était fou, braque. Ben voyons donc. Ok, on fait un dernier. Ok, il faut un dernier. Il y a pas un bon, là. Il y a un rappeur, on l'a déjà fait. Un nom de super vilain. Oh, nom de super vilain. Ok, on va finir de même. On va terminer ça. First name, G. G. Professeur. L. Master. Oh boy. Professeur Master. Hey, je pense qu'on est tous libres de choisir un autre. Moi, je suis quoi? Moi, je serais The Dark Slayer. Ouais, oh, c'est poche. Ah, on va finir avec ça, notre nom de Benedict Cumberbatch. C'est quoi c'est Benedict Cumberbatch? Benedict Cumberbatch, c'est le gars qui joue Sherlock dans la série télé puis qui va jouer Doctor Strange. Ok. Fait que là, ici, il y a comme plein de mots qui ressemblent à Benedict et qui ressemblent à Cumberbatch pour donner un nouveau nom de Benedict Cumberbatch. Fait que si t'étais Benedict Cumberbatch, tu t'appellerais comment, Guillaume? Je serais... Poppin' Stick Cupboard Latch. Dis moi je serais Blender Dick Johnny Cash. Cette multitude de surnoms ont bien réussi à faire tourner la tête de nos deux animateurs. Et comme il faut combattre le feu par le feu, ils se mettent à parler d'un autre sujet qui tourne beaucoup. Super Monkey Ball! J'étais tellement pas bon à Monkey Ball, ça avait aucun sens. Hey, pour vrai, je veux dire, on a joué beaucoup, là, mais à chaque fois que je rejoue, je suis tellement pas bon, j'ai jamais passé les experts. Ben, j'avais passé les experts, je m'étais rendu au master, j'ai jamais réussi à terminer les masters. Experts, j'étais quand même capable de les passer laborieusement. Rendu au master, je perdais toutes mes vies, puis je prenais toujours 100 vies en partant avec les continues, puis je réussissais à tout perdre mes vies. Et c'était tellement pas le fun, là. C'est vraiment tough comme jeu. Pour ceux qui savent pas, là, Monkey Ball, c'est un jeu où c'est que t'es des singes dans des boules. Ouais. C'est un peu comme le principe là, du labyrinthe. Marble Madness. Ou... Ouais, mais moi je parlais plus comme le jeu de société. Il y a une bille puis t'essaies de tourner le labyrinthe, c'est un peu ça. Tu fais boucher le terrain pour que le singe roule avec sa boule. Ouais. Faut que tu l'amènes jusqu'à la fin du tableau. Ouais, c'est quand même amusant comme concept. Les tableaux des niveaux plus faciles sont super amusants. Quand tu deviens dans les niveaux difficiles, faut vraiment que tu sois bon parce que sinon ça, tu fais juste perdre toutes tes vies. Tu viens frustré puis tu veux plus jouer. Savais-tu que sur Windows Phone, il y en avait une version spéciale de Monkey Ball? J'imagine que tu joues en tiltant ton téléphone. Ouais, c'est vraiment cool pour vrai. Puis il y a comme des... faut que tu réussisses à ramasser toutes les bananes dans le tableau, je pense. Je suis sûr pour avoir des trucs spéciaux. En essayant de faire ça, le jeu devient quand même un petit peu difficile. Il est pas très tough. Là. Il est pas aussi tough que les anciens, mais moi j'ai trouvé très très le fun. Okay. Puis là, quand j'ai switché pour mon Android, je me suis dit, ah ben je vais aller voir si eux y en ont un. Il n'y en a pas. Non. Il y en a pas sur Android, puis il y en a sur Windows Phone. La première fois que je suis comme content d'avoir eu un Windows Phone. Pour jouer à un jeu en particulier. Ben oui. Fait que tu me disais que le speedrun de Monkey Ball, de Super Monkey Ball avait été crashé par un gars qui a réussi à comme passer le jeu vraiment rapidement. Ben oui, ben c'est ça que... c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Je sais pas si toi tu suis encore un peu le speedrun depuis qu'on a arrêté les furieux frangins, là, mais... Moyennement, là, je sais qu'il y a toujours des avancées chaque jour dans le speedrun. Ben, sérieux, cette année, là, c'est fou braque. il y a un gars qui a réussi à passer un glitch qui pensait qu'on il passerait jamais dans Paper Mario. Oui, ça je l'avais vu. Thousand Year Door. Ouais, Thousand Year Door, tu as réussi à passer au travers du plancher puis de sauter. Oui, ben oui. Il y a quelqu'un dans le nouveau Wind Waker qui a réussi à passer la barrière. Qui était comme okay. La barrière la plus impossible au monde. Ouais. Fait qu'il s'entoure comme tout le château, puis mais il y a quelqu'un qui a réussi à le faire. Vrai? Mais voyons donc. Moi, je l'avais vu cette vidéo-là, puis il disait que c'était probablement impossible. C'est Cosmo qui faisait cette vidéo-là dans le temps, là. Il disait que c'était pratiquement impossible. Ben, en fait, que selon lui, c'était impossible de traverser, qu'il n'y avait aucune manière, d'aucune façon de le faire. Là. Ben, avec la nouvelle version de Waker HD, il y a quelqu'un qui a réussi à le faire. Ben, pour l'instant, c'est pas encore viable en speedrun, parce que ça demande beaucoup d'objets. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça. Pour vrai, là, cette année, ça arrête pas les glitches. Puis là, cette semaine, sur le subreddit du speedrun, il y a un gars qui arrive. Ah oui, on a réussi à faire un glitch, mon ami pis moi, on était dans un tableau. On a fini le tableau, le timer a fini, puis là on s'est ramassé dans le même tableau. Puis en finissant ce tableau-là, on s'est ramassé dans un tableau extra. On a fini le mode de jeu. Puis là, c'est le monde bizarre. Était comme, ben voyons, c'est quasiment impossible, mais ça, on saurait ça. Ah oui, mais parce que me semble c'est quelque chose qui est facile à essayer. Ben, il y a plus qui va dans cette histoire-là. Mais une chance, le gars qui a parlé de ça, il l'avait pas enregistré, mais il était très précis dans ce qui s'est passé. Okay. Fait que ça, c'est cool. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans les tableaux où est-ce que t'as un goal, donc le but du tableau qui bouge, oui. Si tu réussis à finir le tableau au moment où est-ce que le timer tombe à zéro, oui. Ben, le tableau, lui, continue encore de bouger pendant, genre, une frame. OK. Puis là, faut que tu finisses sur la dernière seconde pour que le tableau bouge encore pendant une frame. Puis pendant cette frame-là, le ruban doit déchirer. OK. Le ruban du goal. Si tu fais ça, le jeu, il capote. Là, il pense que t'es rendu au dernier tableau de la section. Tu finis ce tableau-là, puis c'est comme si t'avais fini la section, mais c'est le même tableau que tu refais. OK. Puis, là-bas, ça, t'es téléporté à la section d'après. Puis, si tu réussis à le faire dans cette section-là aussi, ben là, ça va dans les crédits, t'as fini le truc. Fait que là, mettons, dans c'est expert, je pense qu'on a regardé tantôt. Ouais, c'est complètement capable. Dans Monkey Ball 1, ça prend 42 secondes, parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à le faire sur un goal qui bouge même pas. Fait que déjà, c'est bizarre, mais en genre 2 jours, ça a déjà progressé, ce glitch-là. OK. Parce que j'ai vu, je pense qu'au départ, il avait réussi... Il avait réussi à le faire, il l'a annoncé, il avait réussi à descendre à 3 minutes, à 40-quelques secondes, à 42 secondes. Là, il est rendu à 42 secondes. D'accord. Ça, c'est sans compter les extras après, mais vraiment juste la section expert. 42 secondes, t'es rendu dans expert. C'est incroyable. Oui, fait que là, il pense qu'il risque d'avoir une chance de retourner à EGDQ, qui est le gros... Le gros stream de speedrun, vu qu'il y a quelque chose de différent et de nouveau à montrer aux gens. Puis que c'est assez impressionnant comme glitch. Ben oui. Fait que ça ravive la flamme du speedrun de Monkey Ball, Monkey Ball 2 puis Monkey Ball Deluxe. Toutes ces versions-là, ça fonctionne sur n'importe quelle région. Ça fonctionne dans toutes les versions? Eh oui, ça marche dans ces trois versions-là. Voyons donc. Ah, mais c'est complètement capoté. Puis moi, ce qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est qu'il y ait personne qui ait découvert ça avant maintenant, me semble. Je veux dire, il y a toutes sortes de jeux où est-ce que tu termines le tableau en même temps que tu perds, puis il se passe quelque chose de fucké. Je comprends pas qu'il y ait personne qui ait pensé à ça avant. C'est assez impressionnant, surtout un jeu comme Monkey Ball, c'est un jeu de Sega, là, c'est un des plus gros jeux au GameCube. Ben Game oui, exactement, Cube, là. On s'entend pour dire. Hey, je suis complètement fasciné. Waouh, ça me donne quasiment envie de recommencer à faire du speedrun tellement que je trouve ça hot. Fait que on mettra des liens sur notre page Facebook, vous irez voir ça, c'est vraiment impressionnant, puis c'est la raison pour laquelle je continue de rester sur le subreddit de speedrun depuis des mois là, et tout le temps du monde qui montre des trucs différents, puis moi ça me fascine ce que tout le monde peut faire avec des jeux qu'il y a des millions de gens qui jouent avec. Mais je te comprends, moi c'est vraiment le fait qu'il ait jamais découvert ça avant, je suis complètement. Il n'y a pas juste le speedrun d'impressionnant, il y a aussi le sport. Maxime étant très peu calé en baseball, Guillaume décide d'appeler son ami Alan afin de lui demander son avis sur Tim Tebow, le sujet chaud de l'heure. Allô? Salut, bel homme, ça va? Ça va, toi? Yes! Hey, fallait que je te parle. Ouais, vas-y. Ouais, qu'est-ce que tu penses, toi, de Tim Tebow? De Tim... ok, oui, tu parles de la MLB, là. Ouais. Ouais, j'ai vu c'est qu'il y avait sa journée de pratique, là, je pourrais dire, hein. Ouais, ben c'est ça, ben il a fait une pratique, puis il y avait comme 28 équipes qui étaient là pour le checker. Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Sur le point de s'entendre avec, là. Ouais, je sais, il voulait faire signer un contrat des ligues mineures à Tim Tebow. Moi, je me rappelle, dans le temps qu'il jouait au football, là, c'était vraiment hot, là. Ben, il était avec les Broncos avant que Manning s'en vienne pis qu'il y ait du changement, là. Ben, je m'en souviens, là, moi, quand il y a des Broncos, quand ils ont gagné contre les Steelers, là, c'était magique. Ben oui, c'était un moment incroyable, pis là, il s'en va au baseball. Moi, écoute, des athlètes comme ça qui font deux sports en même temps, ça me fait complètement capoter, là. Ah, moi aussi, il y a aussi Wilson, là, le carrière des Seahawks, c'est comme ça aussi, non? C'est vrai? Ouais, ben il joue au baseball, puis il fallait qu'il choisisse entre le baseball puis le foot. Ok, un peu à la John Elway, si tu veux. Là. Ouais. Ah, ben c'est incroyable. Tu penses-tu qu'il va signer ou ben tu penses qu'il va. Qu'il sera pas retenu? Ben, moi, je pense qu'il va l'essayer au niveau mineur en premier. Ouais. Parce qu'en tant que tel, j'ai vu ça, il est quand même bon, là, puis il est capable de faire la job de bien des joueurs dans MLB. Ouais, ben ça a l'air d'être un solide cogneur, là. Moi, je le suis sur Facebook pis sur Instagram, pis il a vraiment des gros bras, là. Ah oui, il est vraiment pipé, mais je sais pas s'il est bon en défensive, s'il serait capable de... Ouais, ça, c'est un autre game. Il savait pas trop non plus, là, dans la saison des années, là. Ouais, c'est ça. Ben, au pire, il pourrait être frappeur désigné, mais en tant que tel... Alors, remarque que les Braves sont derniers, fait que ça pourrait être pas si mal, là. Ben, ils ont rien à perdre, là, je pense. Non, c'est sûr. C'est quoi tu fais, là? Il me semble que t'as l'air essoufflé. Ah non, là, je m'en vais chez ma blonde, là. Ah, ok. Ah, ben c'est cool. Ouais, je suis en train de marcher. Ouais, je comprends. Fait que, ouais, ce serait vraiment qu'il signe, mais moi, je pensais pas, là. J'aurais jamais imaginé ce gars-là retourner faire du sport, là. Je veux dire, il a tellement été bâché après son passage à Denver, là. Il est en forme, en plus, là. Il est en forme, certain, le gars, là. Ça a aucun bon sens. Il arrête pas. Puis pourtant, il a comme pas de job, là. Ouais. Sauf s'entraîner. Mais ben, en tout cas. Juste pour ça, là. Ben oui, je voulais te parler de Tim Tebow. T'as dérangé à propos de Tim Tebow. Mais tu pensais pas, genre, qu'il aurait pu signer avec une équipe de la Ligue canadienne de football, là, mettons? Ouais, mais ben, je pense pas que le football l'intéresse encore, là. Ah, ok, ouais. Il est analyste au niveau sportif, là, football. Ok, ah, ça, je savais même pas. Mais s'il a pris sa retraite, c'est parce qu'il était un peu tanné aussi du foot, là. Ouais, puis parce que ça levait pas tant que ça, là. Je veux dire, il y a une bonne pause, puis après ça, ça a comme fait patate un peu, là. Ouais. Ah, ben c'est ça. Ben, je voulais te parler de ça, dans le fond. Tim Tebow, il est quoi, il a 29 ans, fait que s'il joue, je pense pas que ça va être très très longtemps, mais je trouvais ça cool de voir ça, là. Ouais, c'est vrai. Je voulais avoir ton avis d'expert, parce que c'est toi l'expert en sport, t'sais. Oh, yes! Hey, merci Alan, salut, là. Salut, bonne journée. Salut, toi aussi. Merci. Un analyste sympathique, ça. Un analyste sympathique. C'est pas pour rien que je l'appelle. Quel homme, ça. Ben oui, j'ai vu ça sur ton téléphone. Moi, je trouvais ça drôle. Là. Parce que dans le fond, j'ai travaillé avec au terrain de jeu cet été. Puis Alan, il appelait tout le monde. Ah, quel homme. Fait que nous autres, on a commencé à l'appeler quel homme aussi. Parce que à chaque fois qu'il faisait quelque chose de cool, ben... C'était le slogan à sortir. Fait que gros shout-out à Alan Saint-Amand-Giasson. Vous pouvez y envoyer des messages sur Facebook. C'est sûr qu'il va être content de vous entendre puis de vous lire aussi. Il se doute même pas que c'était un appel pour faire de la radio. Fait que... Un autre appel surprise. Hey, un autre appel surprise qui parle de sport. Ouais, exactement. On va voir si... La tendance va se maintenir. On n'a rien à dire sur le sport, donc on appelle d'autres mondes pour qu'ils parlent à notre place. On aurait pu parler de lutte aussi, mais bon, je pense que c'est il est trop tard, là. Ce serait con de le rappeler pour ça. Là. Enfin bref, hey, merci Alan, on va se revoir une autre fois. La télé, les jeux vidéo, le sport, c'est bien beau tout ça, mais il n'y a rien de plus vrai que les jeux de société. On retrouve Maxime et Guillaume alors qu'ils interprètent deux tableaux de l'excellente série Kaamelott portant sur ce sujet. Tiens, je ferais bien une petite partie de quelque chose. Vous voulez qu'on fasse un cul de chouette? Non, c'est trop compliqué. Non, un truc qui se joue vite. Bah, quoi, alors? Bah, on pourrait se faire un sloubi. Je connais pas. Je vous explique, il y en a pour 2 secondes. Oh, Tavernier, il fait une partie? Il vide sa caisse et il arrive. Non, non, l'appelez pas, ça joue à 3. Bon, ça fait rien, on va se démerder. J'ai amené les dés machinalement, mais je sais même pas à quoi qu'on joue. On se fait un sloubi pour rigoler. Ça joue avec des dés? On peut jouer avec des dés, mais c'est pas important. Ah bon? Bah normalement ça joue avec des bouts de bois, il faut 50 bouts de bois de 2 pouces, 50 de 3 pouces, 50 de 4 pouces et ainsi de suite. Et à la fin il faut 50 pouces de la longueur de la pièce. Vous avez ça ou pas? Ah bah non, j'ai pas. Bon bah c'est pas grave, on va jouer avec les dés. On aurait su avant, on aurait taillé des bouts de bois. Ah oui? Ouf. Non, à la limite, ce qui serait pas mal, est-ce que vous avez assez de dés pour remplir un seau comme ça? Ah non, j'ai que cela. Mais pourquoi faire un saut de dés? Ben, parce que c'est plus facile pour en tirer 100 ou 200 d'un coup, puis additionner, parce que là, avec 3 dés, on va être obligé de tirer 40 fois de suite à chaque tour. Ah! À qui chouette, il y en a que 3 et on tire juste une fois. Non, mais là, on va faire 60 jets de dés chacun, comme ça, on sera tranquille, on aura de la marge. 633, 634, 635, 644. Bon, c'est qui a fait le plus gros? Ben, c'est vous. Vous avez fait 800, je sais plus combien. Ah, ouais. Donc, c'est moi qui remporte le tour. Quand on remporte le tour à Sloubi, on a 14 solutions. Ah. On passe le tour, on passe, on change de sens, on recalcule les points, on compte, on divise par 6, on jette les bouts de bois de 15 pouces. Là, c'est quand on joue avec les bouts de bois. Soit on se couche, soit on joue sans atout. Et il y a aussi les appels. Plus 1, plus 2, attrape oiseau, rigodon, ou on chante Sloubi. Nous, on va faire que chante Sloubi. Mais le reste? Quel reste? Ben, les autres trucs, là. Ah non, mais le reste, c'est chiant. Il y a que Sloubi qui est marrant. Alors, moi, c'est moi qui ai gagné le tour, c'est moi qui chante Sloubi. Vous êtes prêts? Attention, loupez pas la coche. Sloubi 1, Sloubi 2, Sloubi 3, Sloubi 4, Sloubi 5... Et qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Ben, vous m'arrêtez quand ça tombe sur votre score. Mais le score des dés, là? Ben, je sais même plus combien j'ai fait, moi. 325. Ah, ouais. Et moi, 644. Allez, je recommence et concentrez-vous. Sloubi 1, Sloubi 2, Sloubi 3, Sloubi 4, Sloubi 5. Sloubi 323, Sloubi 324. Stop, stop. Et il faut pas dire stop, il faut dire Sloubi. Sloubi, Sloubi. Donc voilà, le tour, il passe à vous. Et comme vous êtes second, vous avez plus que 19 solutions possibles. Ah ben là. Passer, scier les 2 poutrelles de 30 pieds, et ça c'est quand on joue avec les bouts de bois. Mm-hmm. Sinon, il y a les relances. La doublette, jeu carré, jeu de piste, jeu gagnant, jeu bouillant, jeu, joujou, joujou, joujier, jou gagnant, gna gna, katak, takak, katakak, katakatakata, et raktik karnik, ou chance Sloubi. Nous on va faire que chance Sloubi. Hein. Sloubi 114, Sloubi 115, Sloubi 116. Ben, pourquoi vous arrêtez? Je sais pas compter, moi, après 116. Sans déconner, vous pouvez pas le dire avant. J'ai pas pensé. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête là? Non, on fait 10 jets de 2D, moins 4. Hey, ce qui serait partant pour un cul de chouette? Ah, oh, ça se refuse pas. Cul de chouette, ça c'est le jeu de l'autre fois? Avec les dés? Un peu de détente, bon Dieu. On n'est pas des chevaux de trait. Oh, je me souviens plus, on jouait avec les règles à l'Aquitaine. Ah, ça m'est égal. C'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon? Qu'est-ce que vous préférez? Ce que je préférerais, c'est qu'on joue à un jeu de chez moi. Moi, j'ai rien contre. J'avoue que les jeux du Pays de Galles, j'en connais pas des masses. Plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop? Ben, enfin, avec les règles simplifiées, parce qu'avec les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça le joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, comme on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va faire un sirop de 8, un sirop de 14, un sirop de 21. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est les valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8, pour commencer petit, Les autres ont le choix de laisser filer la mise ou de relancer un 0-14. Mais dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs. Après, ça va tout seul. Oui, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien parce que là, j'arrive pas bien à me représenter. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un 0-8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans l'autre sens. Soit vous laissez filer, vous dites « file 0 », soit vous sentez de relancer et vous annoncez un 0-14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un 0-21, soit abandonner le tour. Voilà. Vous dites couche siro ou siro jaloux, ça dépend des régions. Puis après, soit on fait la partie, soit je fais un contre siro, boum! Et là, siro de pomme sur 21, donc on fait une partie en 4 tours, jusque là, qu'il y en a un qui sirote. Allez gang, il y a que 3 possibilités. Soit vous faites un siro de 8, et vous dites beau siro, et on recompte. Soit vous faites un siro de 14, vous dites beau siro, siro gagnant, et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites un sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, gang sirop, sirop grelot, passe-montagne, sirop bambou. Oui, mais moi je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez raison de le simplifier. Ah, même simplifié, j'arrive encore pas bien à me représenter. Sinon, moi j'aime bien les règles originales, mais c'est un peu compliqué. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre et s'il faut passer 3 heures à apprendre les règles... Bon, c'est qui commence? Ben, pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Bon, alors je me lance. Ah, non! Ça joue pas avec des dés, ça joue avec des cartes. Ah, ben moi, j'en ai pas des cartes. Ah, merde. Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Oh là là, je n'ai mal à la tête. Eh hey, bon, c'était ben trop compliqué ces jeux-là. J'ai rien compris. Fuck all. Ben raide là, rien. On est mieux de s'en tenir au Monopoly. De toute façon, à cette heure, on sait comment. À cette heure, on connaît toutes les vraies règles. Bon, on va le chercher. Ok, shotgun le dé à coude. C'est déjà l'heure? Oui, c'est l'heure. Une autre fin de semaine qui est déjà finie ensemble? Hey, ça a été encore une belle journée avec toi, Maxime. Oui, j'ai eu beaucoup de fun. On a appris beaucoup de choses. Oui. On s'est bien amusé. Vraiment. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine, quand on va se retrouver dans notre petite maison de campagne. Au 17 Avenue des Pins! Bonne semaine, salut, Maxime. Bye. Salut. Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale. D'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.